Bonjour Thierry Hoquet. Bonjour Adèle Van Rett. Merci d'être avec nous ce matin dans le cadre de notre série sur l'origine des espèces de Darwin. Vous étiez venu hier. Pendant 50 minutes, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé notamment de la sélection naturelle chez Darwin. Le programme était chargé. On a tenté de la définir. Est-ce que vous pouvez la définir en une phrase pour ceux qui ont raté l'émission d'hier? Je dirais que c'est la formule résumée par laquelle Darwin résume un processus très complexe impliquant le fait que certaines variations valent mieux que d'autres dans un contexte donné. Voilà, très bien, bon résumé. Et on faudra définir ce que c'est que la variation, ce qu'on n'a pas vraiment défini non plus. On s'est aussi demandé si le goût pour le beau était commandé par la nécessité de se reproduire. On a pris l'exemple des coqs, du paon, vous avez parlé de Mickey aussi. Et je suis ravie d'avoir à nouveau 50 minutes avec vous ce matin pour continuer à défricher ensemble ce texte essentiel mais touffu. Je vous propose de commencer avec le grand thème développé par Darwin que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. J'ai nommé la lutte pour l'existence, ou faut-il forcément lutter pour survivre, et sommes-nous tous égaux dans cette lutte? On commence sans plus attendre avec un exemple que j'adore, l'exemple d'un animal mal doté par la nature mais pourvu d'une arme redoutable, le concombre de mer. La mollitude, c'est quoi? Le comte de Buffon, naturaliste et écrivain français, avant de mourir en 1788, en a donné cette admirable définition, digne d'être gravée dans du mou. Tout ce qui est humide est en même temps mou, c'est-à-dire moins dur que ce qui est sec. Voici un mou, très humide et plutôt petit, pour qui la vie est très dure. L'holothurie, ou concombre de mer. Anatomie peu enthousiasmante. Une bouche à l'avant, un anus à l'arrière. Entre les deux, du mou. Et pourtant, le concombre encombré se charge de ses ennemis. Il a ici, près du rectum, une cinquantaine de filaments de 2 à 3 mm d'épaisseur. En cas de danger, il projette le tout. Les filaments sont collants et peuvent s'allonger de 20 à 30 fois leur longueur. C'est la dissuasion spaghetti. Certains concombres menacés envoient même promener tout leur tube digestif. Empoisonné à l'holothurine, un poison capable de dissuader un requin. Ainsi, ce mou décourage-t-il ses prédateurs? Les requins, oui. Les Chinois, non. Ils désempoisonnent le concombre de mer en le faisant bouillir et en mangent 3000 tonnes par an. If it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence, but you see, the winning takes it all, the winning takes it all. C'est le gagnant qui remporte tout, comme le chante Abba. C'est peut-être une version de la loi du plus fort, qui est l'expression mal formulée de la survie du plus apte employée par Darwin. Est-ce que vous connaissiez le concombre de mer, Thierry Hoquet? Alors, pas personnellement, non. Vous n'en avez jamais mangé, puisqu'apparemment ça se mange. Oui, non, j'ai pas eu cette chance, mais la description était très parlante. Hein, Oui, on a l'impression qu'il est uniquement construit pour pouvoir se défendre, justement, pour lutter, pour survivre. Alors, c'est très étrange, parce que je crois que le paradoxe de cette créature, c'est qu'elle paraît en même temps toute insignifiante. C'est ça, la construction était, de la description était dans ce sens, c'est-à-dire, on avait l'impression d'une créature visqueuse et sans intérêt, un tube, hein, avec une bouche d'entrée et une bouche de sortie, et puis en fait on découvre ce mécanisme de défense redoutable et qui a presque dissuadé sa comestibilité. Hein. Mmh. Alors bon, en fait, ça nous met face au problème de ce que c'est que la perfection et l'adaptation dans la nature. On va dire que toute créature qui vit est suffisamment adaptée à son milieu pour cela. Voilà. Donc l'adaptation, c'est quelque chose de très relatif, en fait, relatif aux circonstances, déplacer cette créature et puis elle ne sera plus adaptée. Voilà, l'adaptation, c'est juste un brevet de viabilité, en fait. Mm-hmm. Voilà, c'est pas un brevet de perfection. Voilà, au sens où il n'y a pas de perfection absolue ou de vies qui valent mieux que d'autres. Il y a simplement des vies qui vivent. Voilà. Donc l'important là, c'est de survivre. Donc c'est la survie ici qui est importante. Et en fait, malgré tout, il y a bien quelque chose, il y a une surprise dans le concombre de mer, si je vous ai bien suivi, c'est ce moment où il déploie des mécanismes de défense qui sont redoutables. Et donc là, effectivement, on s'aperçoit de quoi. Alors, Darwin dit dans L'origine des espèces que les organismes ne déploient pas de structure pour nuire à un autre. Donc, c'est pas pour nuire que le concombre a déployé cela, c'est pas pour se défendre. Il se trouve simplement que les concombres qui disposaient de ce mécanisme ont été moins mangés que les autres et donc ont survécu. Mmh. Voilà. C'est un mécanisme en fait, c'est pour ça que je disais un brevet de viabilité, c'est juste que dans le système général où tout individu est susceptible de servir de ressource aux autres, si vous développez des toxines, vous serez moins souvent mangé. Mmh. Jusqu'à ce que vous trouviez un prédateur qui sait contourner vos défenses. Voilà. Mais donc on parle parfois de guerre aux armements pour décrire ce mécanisme, parce que les concombres qui sauront développer une toxine qui ne partira pas quand on la fera bouillir, ne pourront plus être mangés, même par c'était quoi dans le requin. Le requin, voilà. Mais donc, alors ça c'est très important ce que vous dites, ça veut dire que les animaux ne sont pas armés de manière à se défendre contre leurs prédateurs, mais c'est ceux qui, par hasard, on va revenir là-dessus, ont un système de défense qui leur permet de survivre face à ces prédateurs, vont rester en vie et vont donc se reproduire et transmettre à la génération future le même système de défense, au fond. Oui, alors il y a un phénomène qui est souvent étudié, c'est celui du mimétisme, par exemple. Ces insectes qui savent se cacher, ou ces animaux qui savent se cacher dans leur environnement, se fondre dans leur environnement. On s'étonne de la perfection de ces imitations, hein, mais en vérité, c'est pareil, il n'y a pas une intention de l'animal de se déguiser en quelque chose. Il se trouve simplement que ceux qui ressemblaient à une feuille, ressemblaient à l'écorce des arbres, avaient la couleur du sable dans lequel ils vivent, étaient moins souvent mangés et donc avaient une plus forte propension à se multiplier, à se répandre, à passer à la génération suivante. Mais donc, c'est le hasard qui commande la sélection naturelle ? On voit bien ici qu'il y a des relations dynamiques qui existent entre un organisme, ses co-organismes, c'est-à-dire ceux de la même espèce que lui. Il y a un ensemble de variations, les prédateurs qui sont là, le milieu qui est là, et ça n'est pas le milieu qui détermine l'organisme à produire telle ou telle apparence, mais il se trouve que voilà, dans cet ensemble dynamique, ceux qui vont se fondre dans un environnement pourront échapper aux prédateurs. Voilà, donc c'est le hasard ici. Vous voyez que c'est un mot très simple mis sur des relations dynamiques écologiques entre des individus, voilà, il n'y a pas un seul individu face à son prédateur, il y a des individus d'espèces différentes et des conditions environnementales. Mais je vous pose la question parce que dans le chapitre 5 de L'origine des espèces, Darwin parle du hasard et c'est un chapitre qui a posé problème à ses lecteurs contemporains et même plus tard. Alors, d'abord, par rapport à ça, le hasard, il faut dire que Darwin n'est pas un épicurien. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas juste le docteur du hasard, Alors, épicurien, en fait, vous dire atomiste ? C'est ça, matérialiste. Je veux dire, au sens où il n'y a pas simplement l'idée que il y a le clinamen. Voilà, c'est au clinamen que je pense. C'est à la déclinaison. Il se passe quelque chose qui. Dans la doctrine épicurienne matérialiste, les atomes suivent des lignes droites et puis à un moment, un atome va dévier pour rencontrer un autre atome. C'est comme ça que la matière va se former. C'est ce qu'on appelle le clinamen. C'est une déviation dont on ne peut pas rendre raison. Donc on se dit, c'est la contingence, c'est le hasard. Voilà. Darwin, ça n'est pas que ça. Il y a cet aspect de variation aléatoire, on dit au hasard, c'est-à-dire il se passe quelque chose de l'ordre de la déclinaison, mais il y a toujours ce second processus qui est celui de la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, c'est elle qui vient mettre de l'ordre dans tout ça, qui vient produire justement l'adaptation. Le hasard ne suffit pas, en fait. Mm-hmm. D'accord ? Donc, on dit toujours que le mécanisme darwinien, c'est un mécanisme à deux temps. Il y a un premier temps, si vous voulez, qui est épicurien, qui est la variation au hasard. Mais il y a ensuite le deuxième temps où il y a un architecte qui intervient, qui est la sélection naturelle. Alors, ça, c'est Darwin qui le dit lui-même. Oui. Il y a un texte dans son livre sur la variation où il explique que on imagine un architecte qui devrait construire des pierres, un édifice avec des pierres qu'il n'aurait pas taillées, qu'il aurait récupérées dans la nature. Et donc, il se rend dans un précipice où il récupère des rochers. Et à ce moment-là, il va ensuite mettre ses rochers en ordre à certaines places. Il va donner à chaque rocher une fonction. Bon, mais c'est la même chose pour Darwin dans la construction de ces édifices que sont les organismes vivants. De la même manière, dit-il, les variations de chaque créature sont déterminées par des lois fixes et immuables, mais elles n'entretiennent aucune relation avec la structure vivante qui est lentement construite à travers la puissance de la sélection, précise-t-il après l'exemple de l'architecte que vous venez de prendre. Voilà, donc c'est bien ça. Le hasard intervient au moment où les pierres se cassent, les pierres se forment, c'est-à-dire les variations, elles ne sont pas produites pour répondre à une demande particulière. Mmh. Donc c'est en ce sens, elles sont inattendues, elles ne sont pas finalisées. Je crois que c'est ça qui est important. Ouais. C'est le fait qu'il n'y a pas de cause finale dans cette affaire. Il n'y a pas, la variation ne se produit pas en vue de répondre à une demande de l'environnement, en vue de quelque chose. Ce n'est pas pour se défendre contre le requin que le concombre de mer est doté d'un système de défense. Alors, c'est qu'il se trouve que les concombres qui avaient un système de défense ont pu se protéger. Ont été moins mangés par les voilà, requins. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est très important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de cause finale. Voilà. Donc, il y a des causes efficientes. Et c'est en ce sens que Darwin peut dire que le hasard, c'est juste un mot qu'on met subjectivement pour parler de notre ignorance des causes qui déterminent. Hein, quand il se produit quelque chose, vous faites tomber un bol, il se brise. Voilà, tout ça, c'est régi par des lois très strictes de dynamique des solides, de gravité, de voilà. Mais en même temps, qui aurait pu prévoir que le bol allait envoyer des éclats ici ou là ? Il y a ici une complexité dans la production des variations. Mmh. Hein. Donc, on ne connaît pas et donc on dit bah ça s'est fait par hasard. C'est voilà. Mais c'est pour souligner le caractère non finalisé en fait. Il n'était pas nécessaire que le bol tombe, que la variation se produise et les éclats qui sont formés. Après, s'il se trouve que des éclats servent, que des variations soient utiles à l'organisme, ça tombe bien. Voilà. Mais ça n'était pas anticipé. Oui, donc il manque un terme, parce que le terme de hasard n'est pas suffisant, si je vous suis bien. Ben, pour désigner le mécanisme que décrit Darwin ici. Voilà, on distingue en général dans le hasard, on dit c'est un Janus à deux faces, comme tous les Janus en général. Mmh. C'est la phase subjective, c'est-à-dire je vois quelque chose et je ne le comprends pas et je me dis ça arrive par hasard. D'accord ? Mais donc il y a bien des causes malgré tout. Mais je les ignore. Et puis la notion d'un hasard objectif. Le fait qu'il y a bien des choses qui sont... Alors, qu'est-ce que ça veut dire un hasard objectif ? C'est beaucoup plus difficile à concevoir un hasard objectif. Donc, typiquement, on donne l'exemple du dé. Quand on le lance, il y a une équiprobabilité de tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà. Parce que autant le dé n'est pas pipé. Autant de chances de tomber sur une des faces. C'est ça, le hasard. Donc, on lance le dé. C'est ça, le sens de l'aléa. On lance le dé. Et puis, on ne sait pas si on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. D'accord. Mais cet exemple est difficile parce que malgré tout, on se dit, une machine pourrait peut-être prévoir comment elle va lancer. Donc là, ici, c'est ça le fait que Darwin dit, les variations, on ne sait pas comment elles sont produites, mais elles ont des causes. Mm. Il y a bien des causes déterminantes. À la même époque, à peu près, Claude Bernard dit de la même manière qu'il est difficile d'identifier dans le domaine du vivant quelles sont les causes déterminantes. Aujourd'hui même, on a des débats sur ce que sont les causes déterminantes. Les gènes, l'environnement, vous voyez, tous ces débats. Qu'est-ce qui détermine les variations des individus ? C'est ça qui constitue pour Darwin un problème fondamental et pour lui impossible à résoudre. Mais dans la voie, il se met dans la voie de retrouver une solution, de trouver une solution à ces questions. C'est ça, ce chapitre problématique qui est celui des lois de la variation, que personne ne comprend vraiment. Ah oui. Parce que Darwin, en fait, ouvre un programme de recherche très important ici, qui aboutira, si on veut, à la génétique derrière. Mais il dit, on ne peut pas se contenter de dire que la variation arrive au hasard. Il y a des régularités, des choses qui se passent, il y a des phénomènes qui... Il n'y a pas seulement la variation, il y a l'hérédité aussi. Oui, mais est-ce que selon lui, un esprit très puissant, un esprit divin, pourrait déterminer les variations? Alors c'est ça, uniquement le signe de la déficience de notre connaissance. Ça serait, comment dire, un déterminisme laplacien un peu. C'est-à-dire, on aurait une intelligence suprême qui verrait et qui saurait dire ce qui se passe. Y a ça. On pourrait imaginer ça. Mais encore une fois, pouvoir prédire si on était doté d'un, etc., ne dit pas que cela était voulu. Mm-hmm. Donc, c'est toujours la différence entre cause efficiente. Il y a des causes, il y a des chaînes de détermination, et puis la distinction avec des causes finales qui feraient que tout ça a été voulu, anticipé, etc. Alors j'entends bien ce que vous dites Thierry Hoquet, et pourtant l'expression de lutte pour l'existence semble dénoter une forme de finalisme. Lutte pour l'existence, nous luttons pour rester en vie. Est-ce que l'expression elle-même ne cause pas une sorte de malentendu? Alors, ici encore, c'est une expression métaphorique. C'est-à-dire Darwin dit... J'emploie l'expression lutte pour l'existence, donc c'est il y a struggle for life ou struggle for existence, lutte pour la vie ou lutte pour l'existence. C'est une expression que Darwin lui-même met à distance en disant c'est une expression métaphorique. Par exemple, il dit une plante au bord du désert peut être dite lutter pour l'existence. Donc déjà, il n'y a pas cette dimension agonistique, hein, il n'y a pas de combat. C'est pas les deux fauves qui s'entretuent pour survivre. Voilà. Ou, toujours. Voilà. C'est pas ça. C'est métaphorique. C'est pour expliquer qu'effectivement, l'existence n'est pas une donnée. Quand vous arrivez au monde, le monde n'est pas fait pour vous accueillir avec des cris de joie et de... Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. L'existence n'est pas donnée. L'existence est difficile. Le maintien dans l'existence, c'est quelque chose qui doit être conquis en quelque sorte, ou qui est l'objet d'une lutte de tous les instants, qui exige une vigilance de tous les instants. Voilà. Donc parce que il y a ces pressions énormes qui pèsent sur les populations vivantes, animales, végétales, etc. Donc cette difficulté là de ce concept, cette formule, hein, qui en fait vient de Malthus. Hein? Donc, mais que, à laquelle Darwin donne un nouveau sens, parce qu'en fait, il insiste par là sur l'intensité avec laquelle les vies, les existences rencontrent des freins à la multiplication. C'est pas comme chez Malthus l'idée que les ressources viennent à manquer, c'est pas seulement ça, c'est le fait que à tout instant, hein, il y a cette menace qui peut mettre un frein. Et ce frein, en fait, ces freins, en fait, sont visibles indirectement. Ils sont visibles dans, justement, le fait qu'on soit à l'équilibre. On ne voit pas nécessairement l'élimination. Mmh. On voit l'équilibre, mais l'équilibre présuppose l'élimination. C'est ça qu'explique Darwin, en fait. Pour que les... population animale ou végétale soit en apparence constante, qu'on ne soit pas envahi par les lapins, par exemple, eh bien, cela suppose un ensemble d'attaques, de destruction de lapins par différentes voies. Voilà, donc c'est ça la difficulté de cette lutte pour l'existence, ouais. C'est qu'en fait, elle cache les freins à la multiplication infinie qui est, on peut dire, la propension fondamentale du vivant. Le vivant se multiplie, se répand, envahirait tout s'il n'y avait pas ces freins. Le facteur essentiel de la rupture des équilibres de la nature reste pratiquement l'introduction, fortuite ou conduite par l'homme, d'animaux et de plantes dites exotiques dans un milieu qui leur est étranger. Le plus spectaculaire concerne le lapin d'Europe, dont l'introduction en Australie et en Nouvelle-Zélande s'est révélée une catastrophe nationale. Et c'est le jour de Noël 1859 qu'une cargaison de 24 de ces animaux débarquant à Victoria devait trouver son exceptionnel avenir. Et 30 ans plus tard, après une pullulation soudaine, était édictée la première loi pour sa destruction. Piège, poison, Clôture, rien n'y fit. Leur multiplication astronomique a entraîné des mesures de lutte dont l'ampleur fut gigantesque. Des centaines de milliers de kilomètres de clôtures dressées, des centaines de millions de lapins détruits. Et leur montée continue. Furet, hermine, bolette ont été introduits. Et ces animaux se sont attaqués non aux lapins, mais aux oiseaux et petits mammifères utiles. On peut dire que plus du quart des possibilités économiques de l'Australie sont réduites du fait du lapin. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de l'origine des espèces de Charles Darwin aujourd'hui en compagnie du philosophe Thierry Hoquet, qui hier était déjà à ce micro pour définir la sélection naturelle. Aujourd'hui, la lutte pour l'existence avec cet exemple des lapins qui, introduits en Australie, ont complètement bousillé l'écosystème sur place. Comment, est-ce que ça, c'est un des exemples de cette fameuse lutte pour l'existence, Thierry Hoquet? Alors, pour Darwin, ce sont des choses qu'il a en tête, je pense, parce que... Il n'y a pas que les lapins, en fait. Il y a aussi les colons européens qui ont débarqué dans ces territoires et qui ont détruit les populations humaines locales. Donc c'est multi-niveau, cette affaire. Et Darwin, ça le préoccupe beaucoup. Et notamment, il réfléchit justement sur cette idée que ça détruit complètement l'idée que les formes qui habitent un pays seraient parfaitement adaptées au milieu pour lequel elles ont été créées. Elles auraient été créées. Voilà, ça détruit l'idée des créations spéciales. Pourquoi ? Comment une forme, on va dire, d'origine européenne, débarquant à l'autre bout du monde, sur une île dotée de formes animales et végétales complètement différentes, les marsupiaux, les kangourous, les koalas, etc., enfin toutes ces figures emblématiques, comment est-ce que un animal, par exemple, placentaire, avec donc doté d'une non pas d'une poche marsupiale mais donc d'un utérus dans lequel les petits grandissent. Ce n'est pas du tout le même mode de reproduction. On pourrait penser donc Australie, Nouvelle-Zélande étaient équipés d'une faune spécifique et qui aurait été créée spécialement pour cette région. Et puis arrivent les lapins. Et puis les lapins envahissent tout, détruisent tout, et puis on ajoute d'autres, et puis non, là c'est l'humain, on pourrait dire, prométhéen, qui veut résoudre, ou plutôt Dédale, hein, c'est le mythe de la technique qui va résoudre le problème créé par la technique. On crée le labyrinthe, puis on crée les ailes pour sortir du labyrinthe, puis on meurt quand même à la fin. Oui. Donc là, on introduit des belettes, etc. Donc, c'est un problème pour Darwin. Comment des formes européennes peuvent réussir sur un territoire à l'autre bout du monde? Et Darwin, non seulement réussir, mais éliminer les autres. Et éliminer les formes locales, voilà. Ça détruit complètement l'idée des créations spéciales. Ouais. Ça détruit complètement l'idée qu'il y aurait des formes qui seraient parfaitement adaptées à un territoire et qui devraient, voilà, réussir mieux que les autres ici. Et pour Darwin, ça veut dire, en fait, que la sélection naturelle fonctionne avec une efficacité beaucoup plus redoutable sur les grands espaces ouverts que sont les continents, comme le continent eurasien. Donc, pour Darwin, la lutte pour l'existence est plus acérée sur ces espaces ouverts, comme l'Eurasie. Et donc, du coup, les espèces ont développé des dispositifs d'attaque et de défense qui sont supérieurs aux populations qui sont protégées sur les îles. Donc vous voyez, en fait, ça va changer plus tard dans la conception biologique de où est-ce que se passe la sélection naturelle avec le plus d'intensité, où est-ce que se passent les spéciations. Pour Darwin, c'est sur les grands continents ouverts. Et c'est pour cela que, pour lui, les formes, on va dire, européennes, réussissent mieux quand elles déferlent comme ça sur les populations isolées. Il y a ce traumatisme, en fait, de Darwin, cette sidération devant ce fait fondamental. Tous ces chapitres sur la biogéographie incluent ces considérations-là, c'est-à-dire le fait que les espèces ne sont pas parfaitement adaptées à un environnement. Il n'y a pas cette correspondance entre une anatomie, un climat, un lieu. Il y a, au contraire, cette lutte pour l'existence, cette sélection naturelle qui renforce les structures, qui aiguise les organismes et qui les rendent aptes à... Donc c'est une aptitude, en fait. Voilà, c'est ça. D'où l'expression « la survie des plus aptes ». Des plus aptes, c'est cette aptitude à. Changer l'équilibre, changer le contexte et... ce ne seront pas les mêmes qui vont gagner. Donc il y a cette dimension véritablement dynamique en fait. Oui, vous parliez de l'équilibre qui cachait la destruction, qui est le prix à payer pour obtenir cet équilibre-là. Dans l'exemple des lapins qui envahissent l'écosystème australien et néo-zélandais, on n'est plus du tout dans l'équilibre, mais on est davantage dans ce qui semble être une forme de concurrence. Est-ce que dans la lutte pour l'existence, il y a l'idée d'une concurrence ? Alors, juste, il y a des équilibres et des concurrences, en fait, parce qu'on voit bien que, du coup, les nouvelles espèces ne font pas ce qu'on avait pensé qu'elles allaient faire. Et il y a, oui, il y a, pas, il y a autant d'équilibres que de partenaires, en oui, fait. Voilà. Donc, pour traduire cette expression qui choque les oreilles des contemporains de Darwin, là, même si, je vous ai dit, elle venait de Malthus, c'est pas lui qui l'a créée. Lutte pour l'existence, donc. Lutte pour l'existence. Une des traductions qui a été proposée à l'époque, c'était justement concurrence vitale. Concurrence vitale. Mais concurrence vitale, ça insiste encore sur la question des ressources, je trouve, sur la question de la lutte entre, littéralement prise, entre des individus qui se combattent, en fait. Hein. Alors que ça donne l'idée d'une course, en fait. Oui. Hein. Alors que c'est pas ça, la course. C'est pas une course où seuls les meilleurs vont réussir. C'est le fait que, bien, je vous dis, chaque individu, il est soumis à des pressions, à des freins, il rencontre des freins, il rencontre la résistance du monde. Donc c'est le contraire d'une course pour moi, c'est une usure en fait. C'est résister à l'usure, résister à la destruction. C'est l'endurance. Ouais. C'est pas une course de vitesse avec, à la fin, on aurait justement, comme dans la chanson d'Abba, le meilleur qui gagne et qui remporte tout. Non. Vous pouvez avoir une existence minable, le tout c'est de vous maintenir dans l'existence. Voilà. Donc, c'est le lièvre et la tortue. Alors oui, ça peut être ça. Ça peut être la vie dans les cavernes. Vous voyez, vous avez une existence visqueuse dans une caverne humide. Voilà. Bon, d'un point de vue humain, on dit que c'est quelque chose de repoussant. Ça n'est pas esthétique. Ça n'est pas un épanouissement de potentialité. Mais c'est une vie qui se maintient et qui, si on va la chercher, peut vous détruire. Parce qu'en fait, elle contient un poison fatal pour vous et votre existence glorieuse. Donc c'est ça la question de la dynamique environnementale qui est derrière tout ça. Il faut dire un mot, puisqu'on est dans l'effort de décortiquer les clichés qui sont liés à Darwin. Il faut dire un mot, Thierry Hoquet, avant d'aller plus loin, sur les mauvaises compréhensions de Darwin. Lui-même, d'ailleurs, répond aux objections dans le chapitre 6 de l'origine des espèces, donc il savait très bien que ça allait poser problème. On peut s'interroger sur les raisons, d'ailleurs, de ces problèmes de la réception. Mais tout ce que vous dites sur la concurrence, sur un individu qui n'a qu'à se maintenir en vie, en fait, pour survivre et non pas forcément bien vivre ou vivre le mieux possible, ça fait penser à ce qu'on a dit ensuite du darwinisme social, cette fameuse application du soi-disant darwinisme à l'univers social. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, comme tout ce que j'ai dit tout à l'heure, depuis le début, ça montre que Darwin, il était conscient de cette cruauté du monde. Et de fait, il y a quelque chose chez lui qui prête à accepter ces choses-là. Enfin, quand il voit la destruction des Tasmaniens en Australie, il dit simplement... on voit comment, quand un peuple est dérangé, sa fécondité tombe et du coup est conduit à la disparition. C'est un peu court comme explication. On pourrait s'attendre à une dénonciation du régime colonial ou ça. Non, non. Il voit ça d'un point de vue biologique. Donc la biologie, elle a une certaine de vision désabusée ici des mécanismes à l'œuvre. Voilà, il y a quand on perturbe l'environnement, la fertilité est atteinte. Voilà, donc il y a ces choses-là qui pour Darwin vont de soi. Et puis il y a tout ce langage, effectivement, que Darwin emploie avec un ensemble de restrictions en disant c'est un usage métaphorique que je fais, mais qui malgré tout ce sont des métaphores qui sont parlantes et qui sont en quelque sorte politiques. Et oui, c'est ça, si elles viennent de Malthus, elles s'appliquent originairement à l'espace social quand même. Alors, il y a ensemble, que lui parle des animaux dans l'origine des espèces. Voilà, donc il y a ces va-et-vient entre les sciences humaines et sociales et les sciences biologiques, avec de nombreuses médiations. Par exemple, Darwin reprend la division du travail. Il la reprend pas à Adam Smith, il la reprend à Henry Milne Edwards, qui décrit lui-même l'organisme comme étant travaillé par une division du travail entre les organes. Donc il y a ces circulations-là. Et après Darwin, on a cette idée, il va y avoir une prolifération de sélection. Darwin lui-même, en fait, quand il travaille, s'inscrit dans un contexte où les gens recherchent des lois dans tous les sens. Avant Darwin, il y a Spencer qui a dit « il y a des lois de transformation, des lois d'évolution, c'est-à-dire de transformation ». Il y a, par exemple, cet exemple qui parlera aux mathématiciens, c'est l'exemple de la théorie des coniques, vous voyez. Le fait que, en changeant l'intersection, le plan d'intersection entre voilà, un cône et un plan, on peut produire un cercle, une ellipse ou une parabole, voilà. Bon. Ben ça, ce sont des lois. On dit, regardez, simplement en faisant varier l'angle d'intersection entre le plan et le cône, vous allez produire une nouvelle forme. Ça fascine Spencer, ça fascine... Et tout le monde cherche des lois. Et quand Darwin fait son chapitre sur les lois de la variation, eh bien, il multiplie les exemples de lois. Alors, elles ont des lois. La loi de Yarrell, la loi de Waterhouse, la loi de... Et chaque éleveur a sa loi. Ils essayent de trouver des régularités. Bon, eh bien, le projet de Darwin, avec sa sélection naturelle dont il ne dit jamais qu'il s'agit d'une loi, va donner lieu, va exciter encore plus la recherche de lois. Alors, il y aura la loi de migration qui veut que c'est en migrant que les espèces sont produites, etc. Donc, le vocabulaire de Darwin, parce qu'il est métaphorique, parce qu'il vient des sciences humaines et sociales, en partie, eh bien, contribue comme ça à exciter la recherche de lois universelles qui vont expliquer tous les phénomènes et qui vont nous permettre de d'étendre le domaine de la légalité du domaine de la physique au domaine de la biologie, voire du social. Oui, c'est ça. On puise quand même dans Darwin pour justifier un certain état de fait socialement. C'est ça qui se passe. Alors, il se passe des choses... C'est ce qu'on appelle le darwinisme social, non ? On parle de Galton, etc. Oui, mais disons que, d'une part, il faut noter que quand Darwin propose sélection naturelle, lutte pour l'existence, etc., le côté métaphorique est le fait que ses contemporains ne comprennent pas ce dont il s'agit. Ce sont des quand les Français lisent ça, ils ne comprennent pas ce que c'est. Pourquoi ? Ben parce que ce sont des syntagmes qui, aujourd'hui, sont devenus extrêmement communs, mais qui, à l'époque, sont nouveaux. Personne n'est prêt. Ben, on comprend pas ce que c'est. Ou alors on comprend trop bien ce que c'est. C'est-à-dire, on y voit une figure classique qui est présente depuis les années 1830, au moins de la guerre dans la nature. Mais vous pouvez remonter ça à la guerre de tous contre tous, obscène si vous voulez. On y voit ça en fait. On retrouve et on voit pas la nouveauté. On ne voit pas. Justement, toute l'articulation scientifique que Darwin fait à partir de ces thèmes. Un autre exemple, c'est l'exemple de l'arbre du vivant. On ne voit pas la différence entre le diagramme de Darwin et l'arbre du vivant. On y voit juste l'idée que c'est l'arbre de vie qu'on trouve déjà dans la Bible. Donc, on a une manière de lire Darwin qui le renvoie à des images simples, vulgaires, à des idées reçues, à des choses qui sont peut-être dans l'air du temps. Mais ce qu'il faut bien garder en tête quand on lit Darwin, c'est qu'il donne une construction théorique, argumentée, dans laquelle on retrouve des images, si vous voulez. Hein. Parce que comme tout grand prophète, il parle en raisonnant, mais il parle aussi en donnant des images qui parlent à l'esprit. Voilà. Mais on ne doit pas retenir que les images ou laisser les images effacer le raisonnement. La force de l'origine des espèces, c'est pas d'avoir proposé une théorie de la guerre dans la nature. C'est d'avoir proposé un raisonnement complexe qui est développé en 490 pages dans l'édition originale et en 14 chapitres, c'est-à-dire un argument complexe qui montre pour la première fois un mécanisme de transformation des espèces et de production de l'adaptation de manière matérielle et sans supposer l'intervention d'un quelconque créateur ou de cause finale. Voilà pourquoi on lit Darwin. Il y a souvent des livres qui parlent de Darwin à Hitler, alors en expliquant bien que, évidemment, Darwin n'est pas Hitler, etc., mais quand même, ça suggère une sorte de séquence inéluctable. Bon, ben, je crois qu'on peut dire que même si Darwin était mort et n'avait pas existé, il y aurait eu Hitler. Parce qu'il y a ces thématiques... néolibéral, de lutte, de compétition, de guerre dans la nature, etc. Il n'y avait pas besoin de Darwin pour cela. Darwin, on le lit, on s'y intéresse pour d'autres raisons. Eh bien, voici un des exemples, une des raisons et une des images d'ailleurs qui fait que l'on retient ce qu'on lit quand on lit l'Origine des espèces. On peut appeler le texte que vous allez entendre l'expression d'une critique de la téléologie, à savoir que tout dans la nature est organisé de manière à suivre un seul but. Le texte pose aussi la question de la perfection. Est-ce que la sélection naturelle engendre des individus, des êtres de plus en plus parfaits? En voici donc un extrait lu par Vincent Schmitt. La sélection naturelle, ça ne peut pas produire de modifications dans une espèce exclusivement pour le bien d'une autre espèce. Bien qu'à travers la nature, une espèce prenne sans cesse avantage de la structure d'une autre et en tire profit. Mais la sélection naturelle, ça peut produire, et ça produit souvent en effet, des structures pour nuire directement à une autre espèce, comme nous le voyons dans le crochet de la vipère. Si l'on pouvait prouver qu'une partie de la structure d'une espèce donnée a été formée pour le bien exclusif d'une autre espèce, cela annihilerait ma théorie, car cela ne pourrait avoir été produit par sélection naturelle. Bien que l'on puisse trouver de nombreuses déclarations à ce sujet dans les ouvrages d'histoire naturelle, je n'en trouve aucune qui me paraisse du moindre poids. On admet que le serpent à sonnette a un crochet venimeux pour sa propre défense et pour la destruction de ses proies, mais certains auteurs supposent que, en même temps, ce serpent est équipé d'une sonnette qui lui nuit, car elle prévient la proie qu'il faut fuir. J'aimerais autant croire que le chat recourbe sa queue quand il se prépare à bondir pour avertir la souris de sa fin prochaine. Mais je n'ai pas la place ici de m'étendre sur ce cas et d'autres du même acabit. La sélection naturelle, ça tend seulement à rendre chaque être organique aussi parfait, voire légèrement plus, que les autres habitants du même pays avec lesquels il doit lutter pour l'existence. Et nous voyons que c'est le degré de perfection atteint sous nature. La sélection naturelle, ça ne produira pas la perfection absolue, et nous ne rencontrons jamais, pour autant que nous puissions en juger, ce standard élevé dans la nature. Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de l'origine des espèces de Charles Darwin cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Thierry Hoquet. Vous êtes en train d'écouter une composition, enfin une variation d'un thème connu par le petit-neveu de Darwin, me souffle Nicolas Berger dans le casque. Donc ça vraiment s'adresse aux plus connaisseurs d'entre nous. Vous le saviez, Thierry Hoquet, okay, j'imagine que non, personne ne le savait, à part Nicolas Berger. Donc merci de partager ta science avec nous, cher Nicolas. Le texte qu'on a entendu est assez troublant, Thierry Hoquet, okay, je dois dire, parce que déjà au début, il semble dire que la sélection naturelle peut produire des effets, des structures pour nuire directement à une autre espèce. Alors, il me semblait que vous aviez dit que justement un animal n'est pas constitué pour nuire, il n'y a pas de finalité. Et en même temps, tout le texte vise à critiquer cette finalité-là. Alors comment est-ce qu'il faut le comprendre? Et je précise que c'est votre traduction, Thierry Hoquet. Oui, alors déjà ma traduction, elle se reconnaît au fait que j'ai choisi de pas mettre la sélection naturelle fait ci ou ça. Oui, vous dites ça ne. J'ai dit ça fait pour ouais, mettre à distance en fait, pour éviter cette personnification constante que en fait en anglais il y a pas d'article par exemple on dit natural selection does bla bla bla. Mm-hmm. Mais en français on dit la sélection naturelle fait, et je trouve que il y avait cette en fait, on a tendance à la personnifier, cette sélection naturelle. Ah, c'est pour ça que vous dites ça. La sélection naturelle, ça ne peut pas produire de modifications. Oui, parce que pour rappeler en permanence, il faut en permanence se braquer contre la personnification d'une sorte de déesse ex machina qui gérerait tout, ouais. Hein, de manière intelligente et providentielle, en quelque sorte, mais que c'est juste un processus et le terme mis pour résumer un processus complexe. C'est pour ça que j'ai mis le « ça », en fait. C'est très important. Or, ici, le texte, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient détruire un préjugé qui est que il se produirait des choses pour le bien de l'espèce, ou voilà, pour le bien de l'espèce. C'est ce syntagme-là, en fait, qui ferait de l'espèce une sorte de d'instance régulatrice qui déciderait de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour l'espèce. Il y a rien qui est bon ou qui est mauvais pour l'espèce, en fait, en soi, d'accord ? Si demain, on a avoir des jambes dans la société telle qu'elle est construite aujourd'hui, c'est très utile. Si demain la société est construite différemment et le fait d'avoir des jambes devient complètement inutile, est-ce que perdre les jambes, ça sera mauvais pour l'espèce ? Non. L'important, c'est comme l'histoire de vie que j'évoquais tout à l'heure dans les grottes ou je ne sais quoi. L'important, c'est d'être suffisamment adapté à l'environnement. Mm-hmm. C'est de garder une plasticité aussi. Ça, c'est important. Donc, il n'y a pas un bien de l'espèce qui gouverne tout en amont. Darwin nous met en garde contre ces manières de parler, en fait. L'homosexualité, ça serait pas bon pour le bien de l'espèce, par exemple. C'est quoi le bien de l'espèce ? Qui définit l'espèce ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'instinct, de valorisation d'un instinct vital, d'un instinct de conservation de l'espèce. Alors, il n'y a pas de normes qui définissent ce vers quoi cet instinct nous porte. C'est ça l'histoire. Non, mais on pourrait dire que la reproduction, dans la mesure où elle aide l'espèce à se reproduire, serait privilégiée parce que justement au nom de cet instinct de conservation qui fait que l'espèce veut se conserver. Vous dites, non, chez Darwin, justement, l'espèce ne veut pas se conserver. L'espèce ne veut rien, en fait. L'espèce, c'est une résultante. C'est simplement... Pas d'intention. Le fait qu'il y ait... L'espèce, elle ne préexiste pas aux individus. C'est ça la difficulté fondamentale, c'est qu'en fait, il y a juste des individus qui varient, qui font des choses, et parmi ces choses qu'ils font, il y en a qui, du coup, qui vont les conduire à la destruction ou qui vont les conduire à se multiplier. Et voilà. Et quand il y a des choses qui se passent bien, que les individus se multiplient suffisamment, il y a certaines variantes qui s'imposent et ça donne des espèces. Voilà. Mais les espèces résultent à partir des individus. Du coup, maintenant, aujourd'hui, on parle, dans la biologie contemporaine, on parle moins d'espèces et davantage de populations. C'est-à-dire, ce sont des poules géniques aujourd'hui. Mmh. Des poules de gènes, des ensembles de gènes. C'est ça, une espèce, en fait. Hein? On a renoncé, en quelque sorte, à cette idée de l'espèce qui serait une essence préétablie. L'espèce, c'est le résultat des variants qui ont réussi. Mais est-ce qu'à l'échelle individuelle pour Darwin, il y a quelque chose comme un instinct de survie ? Simplement, si vous n'avez pas un instinct de survie, si votre instinct vous pousse à vous jeter par la fenêtre, vous ne donnerez pas de descendance. Vous comprenez ? Mmh. En revanche, votre instinct vous conduit à prévenir tout votre troupeau qu'un prédateur arrive et que pour cela vous vous faites manger, est-ce que c'est de l'instinct de survie ? Alors, au niveau individuel, non. Mais au niveau du pool génique, ça va conduire que les individus avec lesquels vous partagez vos gènes vont survivre davantage. Et donc, votre comportement sera profitable. Non pas à votre espèce, mais au groupe, justement, avec lequel vous partagez vos gènes. Mais si l'espèce n'est pas a priori, mais a posteriori, au fond, si on la constate, plus qu'elle ne se situe en amont de ce qu'on observe, pourquoi Darwin, dans le texte qu'on a entendu, parle-t-il de perfection ? Il y a quand même comme un jugement moral dans le mot de perfection. Alors, disons, il n'y a pas une marche à la perfection dans l'histoire de la nature. Il faut savoir que, à l'époque de Darwin, tout est lu en termes de progrès, de progressionnisme. Et donc, en particulier, les données fossiles qu'on commence à documenter à l'époque sur, disons, l'histoire de la vie, tendent à dire, regardez, dans les couches les plus profondes, on trouve des coquillages, et puis ensuite apparaissent des poissons, et puis ensuite des oiseaux, et puis ensuite des mammifères, et puis ensuite, dans les couches supérieures de la stratigraphie, des êtres humains. Donc, on a cette idée d'une montée en puissance de la vie, d'une montée téléologique dont le point culminant, l'apex, ça serait l'être humain. C'est ce fameux schéma, on voit le singe à quatre pattes qui progressivement s'élève et devient un homme. Et se redresse, voilà. Ouais. Donc, on a cette idée qu'il y a une marche au progrès, une marche du progrès qu'on voit dans l'histoire de la vie comme dans l'histoire humaine, l'histoire des techniques ou quantité de phénomènes. Ça, c'est faux. Alors, pour Darwin... Darwin n'interprète pas du tout, n'a aucune vision de cette marche du progrès qui irait inexorablement de vie inférieure à des vies supérieures. Il considère cependant qu'il y a des organisations, des organes qui sont plus ou moins raffinés ou perfectionnés. Donc, par exemple, mais cette disparité entre les formes est essentielle à son raisonnement. Je dis par exemple, on a l'idée de la version perfectionnée qui est l'alvéole de l'abeille. D'accord ? On a tous cette image en tête de l'alvéole de l'abeille. Mais en fait, il existe aussi quantité d'autres espèces qui, pour ranger leur cire, leur miel, utilisent des alvéoles ronds, carrément des vieux cocons usagés qu'elles utilisent comme bourse à miel. Vous voyez ? Donc en fait, il y a toute une variété de choses. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'en un sens, l'alvéole hexagonal est plus perfectionné que les autres ? C'est parce qu'il est plus efficace, plus économique, il a cette dimension géométrique. Mais ce qui importe à Darwin, c'est qu'il existe toute une disparité de manière de stocker et que tout fonctionne, en fait, suffisamment. Mm-hmm. Il n'y en a pas une qui est supérieure aux autres. D'accord. En revanche, il y a effectivement, on peut identifier différents degrés qui mènent à une structure que nous, on juge parfaite. L'exemple de l'alvéole, c'en est un. L'exemple de l'œil, c'en est un autre qui perturbe beaucoup Darwin, puisqu'on considère à son époque que l'œil, c'est une des incarnations de la perfection dans la nature et que donc, c'est la preuve de l'existence d'un ingénieur divin qui aurait... gouverner ou préordonner cette construction de l'œil. Oui, on ne peut pas imaginer qu'un organe aussi perfectionné que l'œil soit le résultat du hasard, justement, c'est ça. Il doit y avoir une intention derrière. Mais justement, un œil n'est pas apparu une seule fois par hasard, de même qu'on produirait l'Iliade d'Homère en jetant des lettres au hasard. Il y a une intention dans l'Iliade d'Homère. Non. Il y a un auteur. Voilà. Enfin, croit-on. Donc, oui. Mais justement, donc, en général, on oppose à Darwin cette idée. Ah, vous ne produirez jamais l'Iliade en jetant des lettres au hasard, il faut une intention. Et donc, vous ne produirez jamais l'œil, Darwin, en supposant seulement du hasard, il faut une intention. Mais précisément, Darwin ne se réduit pas au jet des lettres au hasard. Il y a la sélection. Et ça, quelqu'un comme Richard Dawkins l'a bien montré, je pense, dans The Blind Watchmaker, l'horloger aveugle. Il y a cette idée que, effectivement, il n'y a pas juste... la variation aléatoire, il y a la sélection et donc il y a des éléments qui sont signifiants, qui peuvent être groupés les uns avec les autres. Il y a une construction progressive. Il y a toute cette hiérarchie, série de degrés. Il n'y a pas seulement l'œil tel que on se le représente chez l'être humain. Il y a aussi différentes manières d'agencer des cellules photosensibles et de permettre l'orientation dans l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle le gradualisme, c'est ça ? C'est le gradualisme, oui. Il y a un très beau livre d'histoire naturelle de Jean Deutsch qui s'appelle « L'œil de la méduse » ou « L'œil de méduse » qui montre justement tout ce que c'est qu'un œil, en fait. Tout ce que c'est que voir. Toutes les manières dont les structures sensibles se sont accommodées de la réception de la lumière. Et à quoi ça sert de voir ? Ça sert à s'orienter dans les zones obscures, dans les marécages. C'est comme un tâtonnement, en fait. C'est pas uniquement voir des images et déchiffrer des caractères. Alors, demain, avec Philippe Huneman, on s'intéressera aux répercussions dans la biologie contemporaine des thèses darwiniennes. Un dernier mot, Thierry Hoquet. Vous avez dit tout à l'heure que ce que dit Darwin est très mal compris à l'époque, voire pas compris du tout. En France et ailleurs, j'imagine. Est-ce qu'on peut essayer de dire exactement ce qui est passé à ce moment-là ? Pourquoi la révolution darwinienne n'opère pas immédiatement et ce qui prend à ce moment-là, ce qui ne prend pas ? Bon, il vous reste 2 minutes, 2 minutes 30. Bon, comme vous l'avez bien signalé, il y a beaucoup de méprise déjà dès l'époque. Ce qui est important, c'est de voir que ce qui passe d'abord à l'époque, c'est l'idée de transformation des vivants. C'est l'idée qu'il y a une histoire dans la vie et que donc les formes, les espèces, le monde naturel même tel qu'on, le monde vivant tel qu'on l'observe aujourd'hui n'est qu'une tranche, dans une histoire beaucoup plus profonde. Mmh. Donc c'est ça le bouleversement fondamental et que ce bouleversement fondamental-là, il inclut aussi les humains. C'est-à-dire que même pour nos facultés de pensée, nos facultés morales, tout ça, ça a une histoire. et ça n'est pas une donnée fondamentale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense, c'est l'anti-théologie, l'anti-théisme, hein, le fait que tout ça n'a pas été agencé à la perfection par un créateur. Il y a cette idée que, en fait, Darwin concède que si on veut, au départ, on peut imaginer quelques formes vivantes qui auraient été créées ou dans lesquelles un dieu aurait insufflé la vie. Mais après, tout s'est passé selon des lois naturelles. Il n'y a pas d'intervention. Et donc, sauf à supposer que votre dieu veut absolument tous les détails et a prévu absolument tous les détails, eh bien, vous êtes obligé de faire la place aux lois matérielles, en fait. Ce sont les lois matérielles qui expliquent. Et donc, dire ben, « ça a été spécialement créé », c'est juste, ça n'explique rien, c'est juste une manière d'affirmer les choses. Donc, voilà, moi, je pense que les deux choses fondamentales à l'époque, ce sont cette histoire générale du vivant qui inclut l'humain, et puis ensuite, ce côté anti-théologique, aucun dieu créateur n'est nécessaire pour expliquer le monde vivant tel qu'il est, et anti-téléologique, c'est-à-dire la question des causes finales, que ça aurait été fait en vue d'eux, etc. Tout ça doit céder la place à des explications purement mécanistiques en termes de causes efficientes. Mais la persistance de quelque chose, ce qu'on appelle aujourd'hui le créationnisme, est-ce que ça te donne, enfin, ça montre que quoi qu'il y a une impuissance finalement des affirmations de Darwin à convaincre les êtres humains que nous sommes? Alors, il y a deux choses. Il y a les opinions des êtres humains que nous sommes et les théories scientifiques. Au niveau des théories scientifiques, il n'y a pas d'ambiguïté. Le créationnisme n'est pas une théorie scientifique. C'est une idéologie qui circule par certains canaux qui lui sont propres, mais les scientifiques, ça ne permet pas de faire des découvertes scientifiques, le créationnisme. Donc d'accord, il n'y a pas d'équivalence entre le créationnisme et le darwinisme. Je crois que c'est très important de le rappeler. Voilà, donc d'ailleurs, il n'y a pas le darwinisme, qui serait une philosophie complexe et confuse. Il y a la théorie de l'évolution au moyen de la sélection naturelle des variations. Et cette théorie-là, elle est solide, elle a été complétée par d'autres facteurs, etc. On peut considérer le rôle de l'épigénétique, le rôle de la dérive génétique, etc. Philippe Ullmann vous parlera de tout ça demain. Mais en tout cas, il y a eu aussi une mathématisation de la théorie de Darwin, très importante. Il y a très peu de mathématiques dans Darwin. Et du coup, la sélection naturelle, aujourd'hui, c'est un coefficient. Bon, bah, tout ça, il y a eu 150 ans d'histoire depuis Darwin qui font que la théorie, elle s'est transformée, mais aussi elle a résisté, en fait, hein, à différentes hypothèses alternatives, etc. Donc, il faut quand même bien distinguer, disons, ce que disent des personnes par opinion et ignorance et le travail des scientifiques qu'il faut respecter et toujours mettre en avant, en fait. Hein. Ben, merci d'être venu nous en parler ce matin, en tout cas Thierry Roquet, merci beaucoup. Je renvoie donc à la lecture de l'Origine des espèces dans votre traduction que l'on trouve aux éditions du Seuil. On se quitte avec Evolution Mamas de Even Dozen Jug Band. Had a gal way down in Tennessee. She told Lucian all about evolution. She was sitting down on his knee. Then one fine day she got gay, started stamping out. But old brother Lucian started a revolution. The neighbors all could hear him shout. What did he say then? He said, evolution mama, evolution mama, don't you make a monkey out of me. He said, evolution mama, don't you think you got me up a tree. Now I remember the time I had you nice and tame. You was eating right out of my hand. Some fine day I'm gonna take good aim and knock that peanut whistle off of your stand. Now evolution mama, listen while I get you told. I'm gonna tell you something, it's gonna make your blood run cold. Well, I ain't half man and I ain't half beast, but I can do you more good than this starboard yeast. Evolution mama, don't you make a monkey out of me. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous n'arrivons pas à joindre Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Et ça tombe bien Thierry Hoquet, parce que vous êtes encore avec nous et vous aviez encore une chose à nous dire. Enfin, j'imagine qu'elle a encore beaucoup, mais vous vouliez revenir sur ce que vous appelez l'athéisme progressif de Darwin. Oui, le fait que... Parce que j'ai insisté qu'il y avait ce caractère anti-dieu un peu hein, dans le système de Darwin. Et en fait, dire que c'était quelque chose qui avait été acquis progressivement par Darwin, il est parti, comme tout le monde, de l'admiration devant la beauté de la nature. Et en fait, pour lui, il y a deux exemples qui sont très importants, je crois, dans sa vie. C'est d'une part celui qu'on appelle les larves d'une petite espèce de guêpe qui pondent leurs œufs dans une chenille. Et les chenilles, les œufs éclosent dans la chenille, dévorent la chenille de l'intérieur. Et il dit, en fait, un dieu bienveillant n'aurait jamais pu imaginer, en fait, cette affaire-là. Pour lui, c'est un truc absolument sidérant, en fait. Et l'autre chose, c'est que Darwin a eu beaucoup d'enfants, mais il a eu notamment une petite fille qui s'appelait Annie. Qui est morte, qui est morte en bas âge, ouais. Et en fait, ça, c'est pareil, ça l'a traumatisé. Il n'est pas leibnizien, quoi. Il se dit pas qu'il faut du mal dans le monde pour justifier l'harmonie supérieure. Bah, c'est-à-dire, en fait, voilà, la mort d'un enfant, je pense que c'est quelque chose... Oui, injustifiable. Ouais. Injustifiable, voilà. Donc, chez Darwin, il y a ce fait que, je crois, Jean-Claude Amezen a souligné le premier jour, qu'il s'était progressivement desséché, hein, ouais. Qu'il avait renoncé à la poésie, qu'il avait renoncé à Shakespeare, qu'il ne voyait plus que, justement, ce visage monstrueux de la nature. Et il y a cette expérience du mal, en fait, cette traversée du mal dans la nature qui, je crois, l'a détaché, en fait, de croyances. En a fait, si vous voulez, sinon un athée, du moins un agnostique. Et ça a été particulièrement douloureux pour lui parce qu'il avait notamment une épouse extrêmement, extrêmement croyante et qu'il devait dissimuler en quelque sorte sa perte de foi parce que quand on s'aime et qu'on sait qu'après la mort, on ne sera pas réunis dans une sorte de paradis joyeux, ben c'est difficile à accepter. On souffre encore plus, ouais. On souffre encore plus. Mais voilà, sur cette histoire de l'athéisme de Darwin, je pense qu'il y a une peine à accepter. Et puis surtout, je pense, un effroi sur certains dispositifs naturels qui sont, d'un point de vue éthique, absolument irrecevables, quoi. Et qui pourtant sont là. Merci infiniment, Thierry Hoquet, d'être resté jusqu'au bout de cette émission. Et j'espère à très bientôt. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Laure Blanqui en compagnie de Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son, aujourd'hui c'était Nasser Moussaoui, à la lecture des textes Vincent Schmitt. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre série sur l'origine des espèces de Darwin. Demain, nous serons en compagnie de Philippe Unemann. On se demandera si le darwinisme existe déjà et si oui, s'il a évolué, c'est-à-dire qu'on parlera des répercussions contemporaines de la théorie de Darwin dans la biologie, notamment contemporaine. D'ici là, vous pouvez réécouter ces émissions avec Thierry Hoquet et Jean-Claude Amezen en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant l'application Radio France. C'est gratuit et ça vous donne l'occasion de réécouter les émissions à volonté. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.